tous les mecs du ghetto qui reviennent de loin. Pour tous les mecs du 9-3 qui reviennent de loin. Pour tous les mecs du 9-3 qui reviennent de loin. Pour ceux qui sortent du ch'tard ou qui reviennent de loin. Chez nous c'est pas comme chez les autres, l'oseille ne tombe pas du ciel. Pas de piston dans l'école du crime, j'ai fauté sans avoir de grand frère. Ni du Maghreb, ni d'Afrique de l'Ouest, mon gros les tarons, je les ai mérités. Le 9-3 se débrouille tout seul comme French Connection en Méditerranée. Dis-toi que j'ai ramé, dis-toi que j'ai trimé. Le général fait la guerre, fout la merde, quoi. Tu sais qu'à lui seul il est comme une armée. Leur flow pue la merde, j'ai la main gagnante, j'ai la vie comme un jeu de cartes. Le respect c'est comme porter les secours, j'ai une taronne qui rentre du chien. Le respect c'est fermer sa gueule, même quand le daron est en pétard. Oui j'ai ce triste regard caché derrière des carreaux de grandes marques. Je suis la violence, celle qui s'exprime mal, qui a du mal à se faire comprendre. La violence qui se fait remarquer, qui fait chanter la souffrance. Oh, sa bande y voit tellement, ça n'a rien fait. Conseiller un petit frère, ça fait pas le train pour ces petits rappeurs de merde. Comment tu veux donc que je prenne ce rap game au sérieux? Comment tu veux donc que je puisse m'arrêter de faire feu? Oui, je tape du poing sur la table. L'avenir m'en met plein la vue comme le plus plein de lait. J'étais câble, j'ai bien dit, j'étais câble. Attention au casque roof et la visière fumée. Boulette proof dans la tête, on dit que tu t'es fait fumer. Viens dans ma fusée, non faut pas refuser. Bellec, mon négro au bord des accusés. Haha, c'est vol à l'arrache, casse-bélier, violence gratuite. La plus grave arrive et l'après, fallait bien que jeune on s'exprime. Dans cette époque qui bouillonne de débats plus que balistique. Tu m'en croyais pas capable, écoute comment je lui nique sa mère au but. Toujours les nerfs à vif, tu vives dans la tête parce qu'on veut peser. Toujours les nerfs à vif, un coq dans la bouche, on dit que tu veux nous baiser. Moi je cours après l'oseille, toi tu cours, tu me dois de l'oseille. Ma banlieue norme et tout le monde d'accord comme une Jérusalem. Alors on fait ce qu'il faut pour se sortir de là. Je reviens de loin comme ce vrai soldat. Pour tous les mecs du ghetto qui reviennent de loin. Pour tous les mecs du 9-3 qui reviennent de loin. Pour tous les mecs du 9-3 qui reviennent de loin. Pour ceux qui sortent du ch'tard ou qui reviennent de loin. Le rap a besoin d'aide, il est dead, j'ai trop de flow. C'est le 9mm qui fait régner l'or, c'est trop chaud. Gros, tu peux mal parler, tous les jaloux font ma promo. Oh, le niveau trop haut, oui, moi négro, j'ai trop de flow. Le rap a besoin d'aide, il est dead, j'ai trop de flow. C'est le 9mm qui fait régner l'or, c'est trop chaud. Gros, tu peux mal parler, tous les jaloux font ma promo. Oh, le niveau trop haut, oui, mon négro, j'ai trop. Oh, oui, si. Tandématique, modèle, saga continue. Eh ouais, mon pote, ça va continuer. 2008, 2009, 2010. Eh, tiens, enlève le sang, voir. Ah, ça donne du lourd tout ça. Eh, je crois que je vais repartir vite fait dans un petit truc. Là. Vas-y, laisse. Un petit truc qui traîne, je crois. Gros c'est crack musique, coupé à la turbo. C'est rafale de Uzi. Tout le monde s'enfuit comme une volée de moineaux. Les frères qui galèrent à la tête sont des alcoolos. La crimale et la perle à la perte d'un être cher Manolo. Tommy a tué Manny et nos dolls ça fait pire. Remballe ta jalousie, tes cris où je te sors mes griffes. Le racisme en amour existe, c'est 8 sur l'échelle de Richter. Un noir avec une peur c'est hoche. C'est Jungle Fever. La douleur dans le cœur, on se referme sur nous-mêmes. La souffrance, tu peux la lire sur le sang sur nos vestes. Nous les baisses, tu nous détestes. C'est moi qui gère les G's. Solidaire, on se fait la courte échelle. Et ça, je peux te le dire. Oui, si. mathématiques modèles. Saga continue.